Section 21 de La Lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 3e. Section 21. L'armée russe et l'armée autrichienne, par A. Froment. Chapitre 2. Si les détails abondent sur le moral des armées européennes en général, russes, allemandes, anglaises, italiennes, nous n'en avons que fort peu sur celui de l'armée autrichienne, qui, si elle est numériquement parfaitement connue, ne l'est peut-être pas aussi bien au point de vue de la valeur de ceux qui la composent. Dans la campagne de 1859, nous avions eu les Autrichiens pour adversaires, et avions formé notre opinion sur leur armée, d'après ce que nous en avions vu alors. D'ailleurs, nos agents diplomatiques, à la cour de Vienne, ne firent que nous confirmer dans nos idées, et lorsqu'en 1866, on vit éclater une guerre entre la Prusse et l'Autriche, on s'attendit à une campagne, fort laborieuse peut-être, mais certainement terminée par la victoire complète de cette dernière puissance. L'Autriche, disait-on, avait, après la France bien entendu, la première armée du monde, et cette armée n'avait fait que guerroyer en Hongrie et en Italie depuis nombre d'années. Aussi affirmait-on partout, et enseignait-on dans nos écoles militaires, que la Prusse serait infailliblement battue, car son armée n'était qu'une école de Landwehr, n'ayant pas senti la poudre depuis 50 ans. Sadowa fut un coup de foudre, non seulement pour l'Autriche, mais aussi pour la France. La guerre de 1866 avait trouvé l'Autriche dans la même situation militaire que 15 ans auparavant. Se reposant sur ses souvenirs, ce pays était demeuré stationnaire. Son armement était ancien, ses voies ferrées bien inférieures à celles de l'Allemagne, son corps d'état-major composé de gentilshommes vaniteux, très braves mais manquant de qualités sérieuses. Enfin, l'armée elle-même était, plus encore qu'aujourd'hui, composée d'éléments de nationalités très diverses, puisque l'armée du Nord comptait à la fois des régiments allemands, hongrois, italiens et polonais, dont les officiers eux-mêmes ne s'entendaient pas toujours. En 1867, le général de Kuhn apporta de grandes modifications dans les diverses branches de l'organisation militaire, dont l'union des différents pays qui constituent aujourd'hui la monarchie austro-hongroise nécessitait d'ailleurs le remaniement. L'année suivante, une loi de recrutement, calquée sur celle de la monarchie française, fut promulguée. Elle est demeurée en vigueur depuis cette époque, et sauf quelques détails insignifiants, c'est elle qui régit actuellement les sujets autrichiens. Si nous avons trouvé dans l'armée russe diverses populations faisant plus ou moins exception au principe de la loi de recrutement nationale, du moins avons-nous pu constater qu'une masse considérable d'individus y est entièrement soumise et forme un noyau compact auquel se rattachent comme auxiliaires, en quelque sorte, les troupes irrégulières, cosaques et autres. Dans l'Empire austro-hongrois, on trouve dès le début la division du pays en deux groupes, cislétans et translétans, ayant chacun leur gouvernement et leur chambre. Chacun d'eux a un ministre de la défense du pays, au-dessus desquels est un ministre de la guerre commun aux deux groupes, lequel est actuellement le général Bill Antreit. L'armée permanente, de même que ce ministre, reçoit les contingents des deux pays et leur est commune. Mais la Landwehr et le Landsturm sont distincts. D'une part, les pays translétans ont la Landwehr hongroise, qui constitue ce qu'on appelle l'armée Honved. D'autre part, les pays cislétans ont une Landwehr cislétane. Il en est de même du Landsturm. D'après la loi actuelle, le service est obligatoire pendant 22 années pour tout individu capable de porter les armes, savoir 3 ans dans l'armée active, 7 dans la réserve, 2 dans la Landwehr et 10 dans le Landsturm. Des exemptions sont admises dans les mêmes conditions que chez nous, mais tous obligent ceux qui en profitent à payer à l'État une taxe dont le taux varie suivant le cas et la situation de fortune des individus, depuis 2 francs 50 jusqu'à 250 francs par an, et qui rapporte au budget près de 18 millions. Les membres du clergé ne sont pas dispensés. Le volontariat d'un an existe également. Avec son organisation actuelle, l'Autriche-Hongrie peut disposer de 1 300 000 hommes environ sur le pied de guerre, auquel viendrait s'ajouter le contingent du Landsturm, tout récemment reconstitué sur des bases différentes de son ancienne organisation et qui peut être évalué à 800 000 hommes. Au point de vue du matériel de guerre et de l'armement, l'armée autrichienne est dans une situation assez bonne. Toute l'infanterie a encore le fusil Werntl, arme à un coup, mais l'on est en train d'activer le plus possible la fabrication d'un fusil à répétition à petit calibre, système Mannlicher, auquel travaillent actuellement plus de 10 000 ouvriers, dont 7 000 à la manufacture de Steyp. Ainsi que nous le disions ci-dessus, ce n'est pas la quantité seule qu'il faut voir, c'est aussi la qualité, nous pourrions dire surtout, Car à l'heure actuelle, toutes les grandes puissances sont arrivées à mettre en ligne des effectifs à peu près équivalents. Comme valeur morale, le soldat et l'officier autrichien laissent à désirer. Tout d'abord, il est incontestable que l'armée est très divisée. Les Hongrois ont une prédilection marquée, une affection toute particulière pour leur armée, la Honved, dont les uniformes étincelants rappellent encore les souvenirs des manias d'autrefois. Cette scission est poussée tellement loin qu'elle s'est manifestée en plein parlement où un député, parlant de la Landwehr hongroise, a déclaré ses préférences pour cette armée qui n'est pas commandée par des étrangers. Or, ces étrangers ne sont autres que les officiers non originaires de la Translettanie, les Autrichiens proprement dit. Il faut toutefois reconnaître que le sentiment militaire est beaucoup plus développé en Hongrie qu'en Autriche, et que notamment la création du Landsturm a été accueillie avec autant d'enthousiasme chez les premiers que de froideur chez les seconds. Par cela même que les nationalités les plus diverses se coudoient sans se fondre dans cette armée, la troupe ne peut y être bien forte. Le courage, certes, ne manque pas aux soldats autrichiens, mais il est plus apte à la défensive qu'à l'offensive, comme l'ont prouvé les guerres passées, et avec les armes actuelles, c'est assurément une cause d'infériorité. À part cela, ils sont bien disciplinés, très vigoureux, généralement durs à la fatigue, intelligents, mais il leur manque beaucoup de coude à coude avec leurs officiers. L'archiduc Jean Salvator s'est beaucoup préoccupé de cet état de choses et a cherché à le modifier par tous les moyens possibles. Les relations qui s'établissent entre l'officier et le soldat, disait-il dans une conférence militaire intitulée Dressage ou éducation. Voilà notre moyen le plus efficace pour élever le moral de la troupe, notre instrument, notre levier pour agir sur les hommes. La nature de ces relations vient, dans les différentes armées, de leur tradition. En Russie, le caractère des institutions et la situation des officiers ont rendu ces relations très intimes. En Prusse, l'officier représente la première classe de la société. Il vit, est secondé par d'excellents sous-officiers et est peu en contact avec les hommes. Chez nous, ces relations varient avec les différentes armes. Mais d'une façon générale, les qualités mêmes des races qui composent la monarchie feraient désirer chez nous et dans l'infanterie des relations un peu plus étroites. C'est qu'en effet, le corps des officiers autrichiens est très aristocratique. D'ailleurs, le titre seul d'officier confère à celui qui en est revêtu une sorte de noblesse temporaire. L'officier autrichien, quoique depuis quelques années il ait été beaucoup fait pour élever le niveau de ses connaissances, ne jouit cependant pas encore d'une réputation de valeur et de science comparable à celle de ses collègues français, allemands et même russes. Certainement, dans une guerre seule à seule avec la Russie, il y aurait bien des chances pour que la victoire restât à cette dernière, à moins toutefois que sa sacrée majesté le hasard, selon l'expression de M. de Moltke, ne vienne bouleverser en 1888 nos appréciations, comme le firent la science et la valeur des armées prussiennes en 1866. Mais une lutte en tête-à-tête est bien douteuse, et la partie carrée nous semble bien plus probable. Fin de la section 21.